Galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, tous les satellites sont bloqués. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, pourquoi tous ces types sont stressés. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, tous les satellites sont bloqués. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, pourquoi tous ces types sont stressés. Stop, fini, j'ai de quoi faire trembler la foule et les types les aînés. On m'entend pas pour m'arraper sur terre, devient un délit. Stop, je sévis. La guerre des mondes venus de la planète des kickers inimitables. J'en suis l'auteur évidemment gratuit, je les punis. Bienvenue dans la NBA du flow. Plus au monde dans ma fusée, le dossier est clos. Sur scène à côté de moi, les MC sont des flows. Tellement tu comprends, tout mon débit est un slow. Slow, éclat, ça glow. Tel un irrésistible pour l'ego. Tu te glow, m'éclate comme un tableau. Gratte, pinceau, Picasso, Pablo. J'fais ça depuis le pré-haut. Depuis gamin, vise très haut. Depuis fat négro quand je prends le micro. Biggie, la tête double, la vitesse du tempo. Subi, zombie, craque un enfer. Maintiens une énergie, maintiens une colère. Lève les yeux au ciel quand j'ai besoin de mon père. Je me nourris, prends la force au pied de ma terre. À ce moment-là, je sais tellement ce que je dois faire. Je vois tous les MC en cours élémentaire. Il ne s'agit que de boutons quand vous partez en guerre. Vous êtes mignons quand j'arrive, vous protégez vos carrières. Yeah, yeah. Reviens à mes bases dans la jungle comme un boa. Dites qui fera le poids. Vénère comme Clubber Lang face à Rocky Balboa. Galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, tous les satellites sont bloqués. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, pourquoi tous ces types sont stressés. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, tous les satellites sont bloqués. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, pourquoi tous ces types sont stressés. J'viens d'une autre galaxie, pas besoin de m'envoyer vos nouveaux psys. Autant de décès dans mes affronts autopsies. On voit que tous se sont butés à mon élixir. Si vous saviez où faut vraiment tout ce qui m'inspire. Comme quand on me demande à quel moment tu respires. Quand on mes images ont trop de choses à dire. Entre les lignes il y a trop de choses à lire. Je suis hanté par ce que tout ça va devenir. J'ai la piqûre, je crains le pire. Pour voir le futur, faut l'écrire. Le rendez-vous des hommes dit qui va rester, qui va fuir. Attendez-vous à tout notre nature et de détruire. Et c'est à chacun de savoir ce qu'il doit en déduire. On cache tout ce qui peut en détruire. Le cache la vérité, l'avenir. En vrai mes textes ont tellement d'épaules à alourdir. Chacun s'accroche, j'avance avec un maintenir. Ce que je porte n'est pas financé par un émir. Est-ce que le but était de nous unir? Est-ce que le but était de nous punir? Est-ce que vous pensiez vraiment me bannir? Je me sens mort comme Jésus donc je vais revenir. Est-ce que vous pensiez vraiment me salir? Je me sens mort comme Jésus donc je vais revenir. Flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, tous les satellites sont bloqués. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, pourquoi tous ces types sont stressés. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, tous les satellites sont bloqués. J'ai le galactique, flow perché, stalactite sans progrès. Redescend sur terre, donner des nouvelles, alléluia, pourquoi tous ces types sont stressés.